Lévitique chapitre 22. Puis l'Éternel parla à Moïse, en disant, dis à Aaron et à ses fils, quand ils auront à s'abstenir des choses saintes des enfants d'Israël, afin qu'ils ne profanent point le nom de ma sainteté dans les choses qu'eux-mêmes me sanctifient, je suis l'Éternel, dis-leur donc, tout homme de toute votre postérité en vos âges qui étant souillé s'approchera des choses saintes que les enfants d'Israël auront sanctifié à l'Éternel, cette personne-là sera retranchée de ma présence, je suis l'Éternel. Tout homme de la postérité d'Aaron étant lépreux, ou découlant, ne mangera point des choses saintes jusqu'à ce qu'il soit nettoyé, et celui aussi qui aura touché quelque homme souillé pour avoir touché un mort, et celui qui aura un flux de semences. Et celui qui aura touché quelque reptile dont il soit souillé, ou quelque homme par lequel il soit souillé, quelque souillure qui puisse être en lui. La personne qui aura touché ces choses sera souillée jusqu'au soir, et ne mangera point des choses saintes, si elle n'a lavé sa chair avec de l'eau. Ensuite, elle sera nette après le soleil couché, et elle mangera des choses saintes, car c'est sa viande. Il ne mangera point de la chair d'aucune bête morte d'elle-même, ou déchirée par les bêtes sauvages, pour se souiller par elle, je suis l'Éternel. Qu'il garde donc ce que j'ai ordonné de garder, et qu'il ne commette point de péché au sujet de la viande sainte, afin qu'il ne meure point, pour l'avoir souillé, je suis l'Éternel qui les sanctifie. Nul étranger aussi ne mangera des choses saintes, le forain logé chez le sacrificateur, et le mercenaire, ne mangeront point des choses saintes. Mais quand le sacrificateur aura acheté quelques personnes de son argent, elle en mangera, pareillement celui qui sera né dans sa maison, ceux-ci mangeront de sa viande. Que si la fille du sacrificateur est mariée à un étranger, elle ne mangera point des choses saintes, présentées en offrande élevée. Mais si la fille du sacrificateur est veuve, ou répudiée, et si elle n'a point d'enfant, étant retournée en la maison de son père, comme elle y demeurait en sa jeunesse, elle mangera de la viande de son père, mais nul étranger n'en mangera. Que si quelqu'un par ignorance mange d'une chose sainte, il ajoutera un cinquième par-dessus, et le donnera au sacrificateur avec la chose sainte. Et ils ne souilleront point les choses sanctifiées des enfants d'Israël, qu'ils auront offertes à l'Éternel. Mais on leur fera porter la peine du péché, parce qu'ils auront mangé de leurs choses saintes, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'Éternel parla encore à Moïse, en disant, parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et leur dit, quiconque de la maison d'Israël, ou des étrangers qui sont en Israël, offrira son offrande, selon tous ses vœux, ou selon toutes ses offrandes volontaires, lesquelles on offre en holocauste à l'Éternel, il offrira de son bon gré, un mâle sans tare, d'entre les vaches, ou d'entre les brebis, ou d'entre les chèvres. Vous n'offrirez aucune chose qui ait quelque tare, car elle ne serait point agréée pour vous. Que si un homme offre à l'Éternel, un sacrifice de prospérité en s'acquittant de quelque vœu, ou en faisant quelque offrande volontaire, soit de bœuf, ou de brebis, ce qui sera sans tare sera agréé, il n'y doit avoir aucune tare. Vous n'offrirez point à l'Éternel ce qui sera aveugle, ou rompu, ou mutilé, ou qui aura un poreau, ou une gale sèche, ou une gale du cerf, et vous n'en donnerez point pour le sacrifice qui se fait par feu sur l'autel à l'Éternel. Tu pourras bien faire une offrande volontaire, d'un bœuf, ou d'une brebis, ou d'une chèvre ayant quelque superfluité, ou quelque défaut dans ses membres, mais ils ne seront point agréés pour le vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel, et ne sacrifierez point en votre pays une bête, qui ait les génitoires froissés, ou cassés, ou arrachés, ou taillés. Vous ne prendrez point aussi de la main de l'étranger, aucune de toutes ces choses pour les offrir en viande à votre Dieu, car la corruption qui est en eux est une tare en elles, elles ne seront point agréées pour vous. L'Éternel parla encore à Moïse, en disant, quand un veau, ou un agneau, ou une chèvre seront nés, et qu'ils auront été 7 jours sous leur mère, depuis le 8e jour et les suivants, ils seront agréables pour l'offrande du sacrifice, qui se fait par feu à l'Éternel. Vous n'égorgerez point aussi en un même jour la vache, ou la brebis, ou la chèvre, avec son petit. Quand vous offrirez un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, vous le sacrifierez de votre bon gré. Il sera mangé le jour même, et vous n'en réserverez rien jusqu'au matin, je suis l'Éternel. Gardez donc mes commandements, et les faites, je suis l'Éternel. Et ne profanez point le nom de ma sainteté, car je serai sanctifié entre les enfants d'Israël, je suis l'Éternel qui vous sanctifie, et qui vous ai retiré du pays d'Égypte, pour vous être Dieu, je suis l'Éternel.